la foudre tombant et calcinant. J'éclate là où je le désire. C'est comme un chant lancinant qui titille les sensations à sourire. Pareil à une comète fracassant l'atmosphère, j'explose en des milliers de fragments. Je me nourris et survis dans la colère. C'est mon lien, mes ligaments. Mes glandes fabriquent mon carburant, kérosène, chromosomique. Comme un chien enragé, je montre les dents, mâchoire cruelle au sourire énigmatique. Pareil à une comète, fracassant l'atmosphère, j'explose en des milliers de fragments. Je me nourris et survis dans la colère, c'est mon lien. Survie dans la colère, c'est mon lien, mes ligaments.